Chapitre 6. Tous ceux qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que personne ne dise du mal du nom de Dieu et de notre enseignement. Les esclaves qui ont des maîtres croyants ne doivent pas leur manquer de respect parce qu'ils sont leurs frères. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux parce que ceux qui bénéficient de leur service sont des croyants qu'ils aiment. Voilà ce que tu dois enseigner et prêcher. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et n'est pas d'accord avec les véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'enseignement de notre religion, il est gonflé d'orgueil et ne sait rien. Il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos de mots. De là viennent des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre des gens qui ont l'esprit faussé et qui ne connaissent plus la vérité. Ils pensent que la religion est un moyen de s'enrichir. Certes, la religion est une grande richesse pour un homme s'il se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les habits, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et mauvais qui précipitent les hommes dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la cause de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ont accablé leur cœur de bien des douleurs. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à connaître cette vie quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi devant Ponce Pilate, je te le recommande. Obéis au commandement et garde-le pur et sans tache jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Au moment fixé, cette apparition sera provoquée par Dieu, le souverain unique et béni, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Personne ne l'a jamais vu et personne ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas être orgueilleux. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et prêt à partager avec les autres. Ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir, et ils pourront alors obtenir la vie véritable. Ô Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié. Évite les discours vides et contraires à la foi, les objections de ce que l'on appelle faussement la connaissance. Certains, en effet, ont prétendu posséder cette connaissance, et ils se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.